Alors, c'est un mois faste, puisque après Guillermo del Toro, nous avons un autre réalisateur majeur de cette génération qui sort un film. C'est Paul Thomas Anderson. Son film s'appelle Phantom Thread. Il est interprété et coécrit entre PTA et Daniel Day-Lewis. Il est aussi interprété par la jeune luxembourgeoise Vicky Krieps. Et il y a aussi Leslie Manville dans le rôle de Cyril. Ça se passe dans les années 50, c'est l'histoire de Reynolds Woodcock, qui est un couturier très renommé, qui prend son travail très très au sérieux, et qui va rencontrer Alma, qui est une jeune serveuse. Il va y avoir une idylle qui va se nouer entre les deux. Et donc, très brièvement, hein, Phantom Thread, c'est l'idylle entre Alma et Reynolds, avec une grande différence d'âge, et comment elle va intégrer sa vie... comment on va dire ? Très normée. Très normée, voilà. Et comment elle va, quelque part, se cogner à ces normes et peut-être les faire un peu bouger. Qui va commencer sur ce film ? Manu ? Je suis un peu partagé, sur Phantom Thread. Au-delà d'une direction d'acteur gordo, comme souvent chez Anderson, je trouve que le film souffre vraiment d'un déficit émotionnel où le dernier acte arrive beaucoup trop tard. C'est un film dont j'ai du mal à savoir vraiment qu'est-ce qu'il raconte, et pour moi, c'est un problème... Un film qui ne tranche pas vraiment où le film se situe, entre Alma, entre Woodcock, leur relation, la relation avec la sœur. Je trouve que le film pourrait presque se conclure d'une manière classique sur le réveil au matin, avec ce long plan sur le canapé de dialogue entre les personnages, où on retrouve un dialogue entre les deux qui avait disparu d'une partie du film. Et le film classique pourrait s'arrêter là, mais on se retrouve avec ce troisième acte assez boiteux. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très nébuleux. Tout se passait sur les visages juifs qui débarquent de nulle part, qui n'est jamais retraité derrière. C'est un film qui a une narration très ascétique, mais par moments avec des excroissances très bizarres. Je crois que s'il ne tranche pas, c'est parce qu'il laisse l'ambiguïté exister, le paradoxe possible. Moi, je suis touché par le film, même si effectivement il est assez ascétique et on ne peut pas dire que ça déborde d'émotions. Mais dans l'exigence de ce qu'il met en place, dans tous les détails, dans la lumière, tout ce qui est restitué dans le film, l'image de Day-Lewis qui est assez fort, et cette actrice dont j'ai oublié le nom mais qui est fantastique. Vicky Krieps. Krieps. Voilà, il y a quelque chose de soigné, d'élégant, de méticuleux. C'est un cinéma obsessionnel un peu, et ça me touche. Après, moi, je suis moins fan que The Master, parce que je suis un grand fan de Master, et je trouve qu'il est moins fin dans son exploration des rapports de pouvoir et d'emprise qu'on peut avoir sur une personne. Je le trouve plus beau que The Master, mais moins surprenant. Ouais, non, moi je trouve qu'on sent en fait la même exigence presque froide dans la dramaturgie de Paul Thomas Anderson, dans ses cadres, même dans son montage, qu'on la sent dans la finesse du travail de son protagoniste. Je pense que j'aime plus ou moins tous les films de Paul Thomas Anderson, mais parfois il me semble peut-être un peu trop clinquant ou un peu trop obscur, justement. Il y a un truc parfois une volonté de trop démontrer son talent. Ici, je trouve qu'il trouve un bel équilibre. C'est vrai qu'il n'y a pas une immense émotion qui se dégage du film, mais quand elle arrive, c'est extrêmement intense. Je pense que dans ce film-là, il y a le plus beau plan que j'ai vu au cinéma depuis 5 ans. C'est Daniel Day-Lewis qui rejoint sa compagne le jour du Nouvel An. Il la cherche, la court vers elle. Il y a une sorte d'envolée de ballon qui cache un peu tout ce qui se passe. Il se cogne le visage. Il la retrouve, elle est dos face à un miroir. Donc il est face à elle et son propre reflet. Et il contient la douleur du coup. Son visage, je veux dire, absolument magnétique, absolument génial. Il joue le truc, il va jusqu'au bout. Et c'est en 10 secondes de plan, il m'a fait monter les larmes aux yeux. En plus d'être un cinéaste très doué, c'est, comme tu l'as dit Manu, vraiment... Et il faut le redire, un directeur d'acteur, je crois, assez incroyable. Parce que, et vous parlez d'une relation à deux, mais il y a aussi le rôle de Cyril, donc le rôle de cette sœur de Woodcock, qui est très importante, je trouve, dans leur relation. C'est un trio qu'on a du mal à identifier, mais putain, comment ça joue entre eux, quoi. Je veux dire, ils sont tous très bons, mais quand t'as une Rolls-Royce comme Daniel Day-Lewis, j'ai l'impression que ça fait jouer tout ce qu'il y a autour de lui, quoi. Je suis pas sûr qu'il suffit de jouer face à Daniel Day-Lewis pour être extraordinaire. C'est pas ça que j'ai dit. Non, d'accord. Mais ce que je dis, c'est que je trouve que de la même manière qu'elle tient le jeu par rapport à Daniel Day-Lewis, le personnage tient tête finalement à Woodcock, et c'est ça qui est assez fascinant dans cette relation. Juste pour faire un petit écart sur le jeu, bon, Daniel Day-Lewis est très très bon. Au bout de 5 secondes, t'as oublié que c'était Daniel Day-Lewis pour voir le personnage. Mais la fille, elle est incroyable. J'ai entendu Paul Thomas Anderson parler de ça. Et ils ont pris exprès une actrice qu'ils ne voulaient pas connue. Et en fait, elle surprenait complètement Daniel Day-Lewis à cause de ses temps. Les temps pour donner la réplique sont un poil trop longs. Et en fait, lui, il savait plus quoi faire. Et je trouve que, notamment dans la scène du petit-déj, il y a 50 scènes du petit-déj dans le film, mais la scène de la rencontre. C'est assez flagrant et je trouve ça brillant. Ce qui est très intéressant avec le personnage d'Alma, c'est que elle est dans un amour qui est complètement étrange parce qu'elle est aussi dans une complète dévotion par rapport à cet homme qu'elle admire et qui quelque part se sacrifie, on va dire, à son art, en tout cas est entièrement dévouée à son art, et elle va essayer de trouver le terrain d'entente pour aimer cet homme et quelque part en même temps le partager avec cette espèce de complète vocation en fait au sens propre, et je trouve que là-dessus le film est très intéressant et j'ai vraiment envie de le revoir pour ça. Après, c'est vrai que l'évolution des personnages, le dernier acte est très surprenant, arrive d'une manière vraiment vraiment surprenante, et donc j'ai envie de le revoir immédiatement. Paul Thomas Anderson, c'est vrai que c'est sans doute un réalisateur très cérébral. Il fait souvent des choses un peu étranges. Il n'était pas si cérébral à ses débuts. Non. C'est vrai que Boogie Nights et Magnolia sont des films beaucoup plus immédiatement aimables. Mais ce film-là est assez proche de The Master et de There Will Be Blood. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand même, même si des fois il fait des cadres un peu surprenants, tu te dis mais pourquoi est-ce qu'il le filme comme ça ? Enfin, je comprends pas très bien l'intention là. C'est vrai qu'il y a des choses qui te quelque part te sortent du film, mais tu parlais de cette histoire de visa suisse là, mais on s'en fout en fait. Enfin, je veux dire. Pourquoi on a fait toute une séquence dessus ? Attends, non, on fait pas toute une séquence dessus. Pourquoi on s'attarde sur ce moment-là ? Je sais pas pourquoi on s'attarde sur ce moment-là. De nouveau, je peux pas te répondre. Mais ce que je vois moi directement, hein, quand le film produit sur moi, c'est une maîtrise. Je vois un réalisateur qui est dans une maîtrise totale de son art, et comme Guillermo del Toro d'ailleurs dans Shape of Water, ce personnage-là, on sent. En un échange de dialogue, en une note, en une montée d'escalier, on sent qu'il y a un problème avec la bonne femme. Mais tout de suite, et on n'a aucun doute avec ça. Et après, la manière dont il traite ça, je trouve ça super bien. Et à la manière... Et pourquoi il rajoute cette histoire ? Attention, en plus, il y a une histoire avec les Juifs derrière. Non, mais bon, attends, ça dure 2 secondes, c'est une réplique dans une conférence de presse. Pourquoi ajouter quelque chose qui ne fait pas sens ? Où est-ce qu'il va avec ça ? Il va à la scène où Alma elle-même va chercher, et elle insiste, elle pousse Woodcock à aller chercher la robe dans la chambre, et c'est elle qui rentre dans la chambre, ce qui te montre quand même quelque chose de très très intéressant par rapport au respect qu'elle a et à l'amour qu'elle a pour le travail de son homme. Cette scène-là, pour moi, c'est aussi littéralement l'histoire d'une femme qui va se heurter à un homme plus vieux et d'une autre manière de fonctionner qu'elle, et qui va tout faire, littéralement tout, pour le changer, pour le faire ressembler à sa vision du monde. Les visions se confrontent, et puis à un moment, on ne peut pas vraiment dire s'il y a quelqu'un qui gagne dans l'histoire, mais c'est quand même une jeune femme qui va faire changer un vieil homme pour le faire correspondre à sa vision du monde. La scène de la robe, avec cette... Enfin voilà, si c'est pas tiré à boulet rouge sur cette petite mondanité qui visiblement débecte les deux personnages. Oui, qui les débecte et qui n'est pas vraiment traité, parce qu'il y a quand même rappelé que ce personnage-là est celui qui paye la maison. Et on fait cette petite séquence punk pour un moment, on va retirer la robe, mais après, à partir de là, qui paye la maison, qui paye ça ? Pourquoi instiller ces petits moments dans le scénario, ces petites notes sur le fait que c'est leur financier, et d'un coup, avec une scène, on se libère de ça. Et moi, Olivier, quand tu parlais justement encore, je reviens toujours à ce troisième acte qui me pose problème, parce que pour moi, ils sont dans la redite, parce que j'ai l'impression que d'une certaine façon, s'ils se finissaient au moment du premier réveil de Daniel Day-Lewis, il y avait un peu la crainte de Peter Mandelson. Mon Dieu, je ne peux pas faire un éloge du mariage. Donc, je dois rajouter une couche. Donc, pour dire, oui, après le mariage, il y a encore une difficulté à équilibrer ce couple-là. Et fin de compte, on arrive à la séquence finale qui est une redite de ce qui a été fait. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat, dans cette bataille, mais simplement, je voudrais redire qu'il y a quelque chose qui agit sur moi de l'ordre du mystère. Pas parce que je ne comprends rien, mais parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses à percer ou à aller voir plus loin, et qu'il y a toujours moyen de trouver. Et moi aussi, j'ai envie de les revoir souvent et d'aller plus loin avec ça. Lucien a dit le mot magnétisme. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre deux d'assez phénoménal. Et on sent que quelque chose les unit. Il y a une espèce de fil entre eux invisible. Mais il y a quelque chose de très fort. La façon qu'elle a de rougir, la façon qu'elle a de réagir à ce qu'il lui dit. Je trouve qu'il y a quelque chose de d'épidermique en fait, qui se passe. Mais c'est ça, mais en fait, c'est un grand directeur d'acteurs, mais c'est aussi un grand dramaturge. Et donc, ne serait-ce que dans le placement de ses acteurs. Mais son découpage. Parce que je veux dire, tout le film, justement, ce fil invisible, il n'est pas de nulle part. C'est que justement, c'est les rares scènes où ils sont face à face, à se regarder. Quasiment tout le reste du film, il fait en sorte de les positionner en L, au niveau des tables, etc., pour que chaque fois le regard soit biaisé de côté, ne soit jamais frontal, à part ce début de relation où ils sont tous les deux dans le fauteuil. Il y a cette phrase, ne jouez pas le jeu du qui va baisser le regard en premier, dès le départ, qui est posé dans cette confrontation, et que tout le film après, régulièrement, va jouer le regard de biais, la manière qui est de toute façon de Daniel Lewis, de regarder de côté, et toujours aller positionner à sa droite, sur la table, de côté, alors que sa sœur est assise à côté de lui. Il y a toujours cette façon de travailler, et d'un moment de revenir au moment du réveil, avec cette séquence où tout d'un coup ils se regardent réellement l'un face à l'autre au moment d'une décision importante dans leur vie. Et voilà, ça ne tient pas que la direction d'acteur, il y a aussi une vraie science du cadre derrière tout ça, quoi. C'est exactement là que j'allais en venir. Absolument d'accord avec toi, il y a aussi un jeu au niveau de placement en termes de hauteur sur des escaliers, etc. Il joue très fort là-dessus. Moi, j'ai pensé à Hitchcock aussi à certains moments. J'ai aussi beaucoup pensé à Lozé, le côté claustro à certains moments. Les acteurs qui se croisent, qui montent, qui descendent. Il y a vraiment quelque chose de ça. Et même un peu à Truffaut, avec la sirène du Mississippi surtout. Bon, eh bien, voilà, je crois qu'on va arrêter le débat ici, mais je pense qu'on aurait pu débattre encore longtemps, on aurait pu faire toute une émission là-dessus, mais voilà, on va clore ici pour le moment. When he looks at me, he doesn't know how I am incomplete. He sees me as I am. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous. The natives in the Amazon worship him. Mother God. Get him out. What are you talking about? No. We need to take it apart. Learn how it works. I don't want an intricate, beautiful thing destroyed. We can do nothing. I'm sorry. Don't do this, Eliza. What is she saying? Don't do this. Oh, God, it's not even human. Alors, La forme de l'eau, c'est le nouveau film du Mexicain Guillermo del Toro, avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins et Doug Jones, entre autres. C'est le film qui a obtenu le dernier Lion d'Or au Festival de Venise, qui a démarré avec un accueil critique franchement favorable, avant qu'aujourd'hui le film se prenne petit retour de flamme de la part de la critique française, en tout cas. C'est l'histoire d'Elisa, qui est interprétée par Sally Hawkins, qui est muette et qui travaille dans un laboratoire. Et dans ce laboratoire va arriver une créature humanoïde et aquatique, dont elle va progressivement tomber amoureuse. Enfin, ils vont d'ailleurs réciproquement tomber amoureux l'un de l'autre. Voilà, bah écoutez, moi donc je vais commencer brièvement sur le film parce que j'ai écrit un article sur le Passeur Critique où je le défends ardemment. Alors moi je trouve que c'est un film qui fait du bien. C'est un film qui a profondément foi dans son médium. Je trouve que c'est un film qui est mis en scène avec une grâce absolue. Je trouve que le film est rythmiquement absolument fabuleux, que ce soit le rythme de son montage, ou le rythme de la direction d'acteur, ou le rythme interne des événements qui arrivent dans les plans, enfin la mise en scène, quoi. Y a quelque chose que je trouve aussi extrêmement réjouissant dans le film, c'est son côté, c'est une espèce d'ode, déjà d'ode à la sexualité sans trop de barrages, au plaisir. Et c'est aussi une ode à la désobéissance, je trouve. Je trouve extrêmement bien écrit. C'est-à-dire qu'il a un déroulement classique, mais les événements se réservent toujours une certaine part de surprise. Ou alors, je trouve que Guillermo del Toro réussit à détourner l'attention de certaines choses pour ensuite revenir avec des choses qu'il a installées auparavant dans son histoire. C'est-à-dire que la gestion des pay-in, pay-off, comme on dit dans un jargon scénaristique, est vraiment excellente. Mais c'est aussi lié au rythme. Je vais juste dire ces deux aspects-là et puis je vais laisser mes amis enchaîner. Enfin, bref, je vais juste rebondir sur un truc parce que tu viens en parlant de la liberté du film et de son côté ode à la liberté, qui m'a rappelé une réplique du film. À un moment, Sally Hawkins demande à Jenkins son aide et Jenkins lui répond « Mais on est qui pour faire ça ?» Et elle répond « Mais si on fait rien, on n'est personne non plus. » Et ça, je trouvais ça assez fort, assez beau et assez bien formulé. Sinon, ouais, La forme de l'eau, c'est tout ce que j'attends d'un Del Toro. C'est sublime et grotesque, c'est poétique et politique. C'est brillant formellement, c'est souvent émouvant. Mais comme souvent chez Del Toro, j'ai des petites réserves sur des manques de finesse sur certains trucs qui m'empêche d'adorer le film au-delà de l'imaginable et qui font juste un film que j'aime beaucoup. Et en ce sens, je trouve qu'il se rapproche assez fort du Labyrinthe de Pan et je trouve qu'il a un peu les mêmes qualités, les mêmes défauts. Michael Shannon, moi, me fait fort penser à Sergi Lopez, cette espèce d'entité, de méchant absolu. Mais pas parfaitement construit. Assez en surface, il reprend le côté représentant d'une Amérique de la normalité, comme c'est un peu passéiste, ça marche, mais c'est un peu lourd pour moi, c'est un peu martelé. On l'a compris dès le début, mais il faut à chaque fois, on le montre rentrer dans sa petite maison parfaite, et lui il achète une bagnole, le vendeur lui dit « c'est vraiment la bagnole de tous les Américains moyens qui réussissent ». On avait déjà compris aussi. Après, comme tu le dis dans ton papier, Oli, je trouve le côté étonnamment sexué du film, et ce dès le premier plan, est assez jouissif, assez plaisant. Et pour faire un petit spoil sur le plan, en fait, fait l'exact inverse de ce que fait Paul Thomas Anderson dans Phantom Thread. Attends, développe un peu là, parce que là, je vois pas de quoi tu parles. Pour moi, Paul Thomas Anderson... Il élude totalement le côté sexuel de son film, là où Del Toro le rajoute de manière systématique et assez littéralement systématique. C'est ça qui rend le truc assez jouissif. Et c'était une facette qu'on avait rarement vue dans le cinéma de Del Toro. Qui est très enfantin d'habitude. Parce qu'à la fois, effectivement, Del Toro, il y a le côté on connaît l'univers, on sait dans quel univers on va rentrer. Mais c'est justement, moi, ce que je trouve très fort dans le film, c'est que le film, depuis Venise, il est hyper hypé, depuis sa consécration au Golden Globe, le nombre de nominations aux Oscars, et pourtant, tu rentres dans la salle, et le film arrive à te surprendre, malgré les attentes d'El Toro, malgré ce côté hyper hypé du film, où tu te dis, ça va être lourd à porter, et le film te surprend, tout en t'installant dans un univers confortable qui est celui d'El Toro que tu connais, etc., en découvrant une nouvelle facette du personnage, en vraiment te surprenant. Et je ne suis pas du tout d'accord quand tu parles de la construction de Shannon qui serait proto-similaire à celle de Sergi Lopez. Pas du tout. Michael Shannon, justement, a un côté vraiment pathétique, là où Sergi Lopez était complètement menaçant. S'ajoute cette opposition, effectivement, entre la fable et aussi ce que te vend la pub de ces époques-là, cet âge d'or de la pub américaine où on te vend un modèle de société que Del Toro oppose à cette fable, à cette romance. Et tu as l'impression quand même que Shannon est conscient que son monde est en train de s'écrouler, la manière dont il martèle les choses à la fois sur la religion, sur plein de choses. Ce qui rend pathétique, c'est qu'il semble avoir conscience que ce monde-là est en train de s'écrouler. Je me suis peut-être mal exprimé sur ce côté-là. Je ne trouve pas le personnage inintéressant, je le trouve juste un peu... lourdement amené. Tout comme d'ailleurs tout le rapport aux Russes. Moi, je ne comprends pas trop d'où ça sort, pourquoi ils sont là, comment ils sont arrivés là. Ça me semble un peu déposé là et débrouillez-vous avec ça. Ça fonctionne, mais je comprends pas quand même l'utilité, la finalité de ce truc-là. On va passer la parole à Julien quand même, qui ne s'est pas encore exprimé sur le film. Moi, je vais plus rejoindre le camp de Lulu. Il y a des choses qui m'ont plu dans le film. Je trouve que y a une très belle mise en scène, une fluidité, etc. On le sait, mais on le répète, qui sait créer un lieu, une atmosphère. Mais par contre, je trouve effectivement qu'il y a des éléments surlignés. Les Russes, notamment, tout ce qui concerne cette guerre froide. Et au niveau de Shannon, je rejoins aussi Lucien. Alors, je trouve qu'il y avait des belles choses, les doigts coupés. Après, il faut savoir que ça, c'est une question de goût personnel, mais moi, j'ai du mal à adhérer à ce genre d'univers. Donc, forcément, mes réserves sont déjà des réserves naturelles. Mais oui, je trouve qu'il y a des belles choses. Les doigts coupés, le travail sur le sang, sur la peau, sur la chair, etc. La sensualité qui met entre la belle et la bête. Bon, ça a été dit déjà. Mais je trouve que l'esthétique est appuyée, qu'il y a ce côté de la lumière verdâtre, etc., qui ne me plaît pas beaucoup. Je trouve qu'on essaye à tout prix de nous imposer une poésie, une féerie que je n'ai pas besoin qu'on m'impose. Il y a trop de féerie, mais le film est quelque part une féerie. Le film est un espèce de gros gâteau. C'est pas un truc qui est dans la retenue. C'est quelque chose qui donne. C'est un film qui donne beaucoup. Une fable d'en être une, quoi. À un moment, c'est qu'est-ce que t'attends d'autre? Pour venir au personnage justement de scientifique russe, moi ça m'a frappé sur ce personnage de scientifique, à un moment le discours qu'il a sur le fait qu'il est à la fois un patriote, mais qu'il est là pour étudier et qu'il a encore plein de choses à apprendre. Moi je ne peux pas m'empêcher de voir Del Toro, qui est un cinéaste malgré tout immigré, qui bosse dans l'industrie américaine, et ce qu'il essaye aussi de faire passer, qu'il n'est pas juste là un simple exécutant derrière tout ça. Moi, je pense que j'avais jamais vu un personnage comme ça. Il n'est pas dans un camp ou dans un autre, il est dans le camp du progrès et il est dans le camp de la liberté, comme tu le disais, ode à la liberté, ode à la jouissance, ode à la désobéissance. Et lui, il est aussi là-dedans. Comme dans Call by Your Name, comme dans les films des Coen, c'est un acteur fabuleux. Justement, il incarne une sorte de dignité absolue. Et du moment que tu lui offres une partition qui est haute que de porter un téléphone, Dans les films de Denis Villeneuve, c'est un acteur exceptionnel, quoi. Je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne vraiment bien dans le film, c'est cette adéquation entre le côté suspense du film qui est vraiment parfaitement mené, c'est assez intense à ce niveau-là, et le côté mélodrame qui est là à certains moments. Je trouve que le mélange fonctionne assez parfaitement. Ben, moi, pour revenir à la comparaison entre le personnage ici de Michael Shannon et le personnage de Sergi Lopez, je trouve paradoxalement que le personnage de Sergi Lopez dans Le Labyrinthe de Pan manquait, selon moi, énormément de finesse, même si il essayait d'apporter quelque chose à la fin du film au niveau de la mort de Sergi Lopez, si je me rappelle bien du film. Mais là, justement, j'avais peur de cette figure-là dans La Forme de l'eau en voyant les bandes-annonces, et je trouve le personnage interprété par Michael Shannon infiniment plus intéressant que celui du Labyrinthe de Pan. Même si Le Labyrinthe de Pan, c'est autre chose, puisqu'on est dans le regard d'une petite fille qui a peut-être moins de subtilité. Mais je ne sais pas si c'est le meilleur film de Del Toro comme il peut être vendu, mais en tout cas, à mon sens, c'est vraiment son meilleur film américain, où il synthétise le mieux sa sensibilité, on va dire, dans gros guillemets, européenne, puisqu'il n'est pas européen, mais ce qu'on a pu voir dans Le Chine du Diable, ce qu'on a pu voir dans Le Labyrinthe de Pan, et sa dimension de grand cinéaste de divertissement. Il est porté par un élan qui est ce romantisme qui est profondément ancré dans le cinéma de Del Toro. C'est un truc que tu retrouvais dans la relation entre Mako et Stoker dans Pacific Rim, personnage tragique de Conchita dans Les Chines du Diable, la relation de Liz Sherman et Hellboy, celle de Hellboy avec son père. Je trouve que cette dimension romantique qui est vraiment très, très ancrée dans le cinéma de Del Toro n'appelait aussi qu'à ce type de film, à cette fable qu'on a l'impression tout d'un coup de se dire d'où elle sort de chez Del Toro, mais en fait qui est déjà inscrit depuis très longtemps cet aspect-là dans son cinéma. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Del Toro, qui s'est construit sa carrière aux États-Unis avec beaucoup de films qui ne se sont pas faits, il est attaché au projet lui de La Belle et la Bête, qui s'est fait avec Emma Watson, qui, je croyais déjà à l'époque de Del Toro, devait se faire avec Emma Watson, et qui a fini par cette comédie musicale réalisée par Bill Condon, c'est ça. Et voilà, c'est intéressant de voir que ce film-là, mais à travers ses différents stades, pour aboutir à la forme qu'il a aujourd'hui avec La Forme de l'eau. Bien sûr, t'as cherché un peu, hein. Coloque à ta belle.

plus dysfonctionnelle, en fait, que celle que tu vois, alors qu'elle est faite de briquet de broc. Mais je suis tout à fait d'accord, mais je pense que c'est tout le propos aussi du film en partie, mais c'est juste dans la construction que je trouve ça un peu plus fébrile que tout le reste du film, qui est tellement impressionnant. Impressionnant n'est pas le bon mot, parce que t'es pas impressionné, t'es juste touché par ces personnages et par l'humanité qui se dégage de toutes ces relations. C'est un très très beau film. Robert the Bruce is an outlaw. Any man or woman who would give shelter to him or his ranks is to be executed without trial. The people are desperate for justice. I serve Robert Bruce! Join us to free others! I have 50 men to fight the strongest dog in the world. This is how we do it. The Outlaw King, c'est donc le nouveau film de David Mackenzie après Comancheria, qui avait été ardemment défendu à cette table, ou encore un autre film qu'il avait fait avant, Les Poings contre les Murs. Donc je l'ai déjà dit, mais donc chez nous il est sorti directement sur Netflix, à l'instar du prochain Roma, mais nous avons décidé de mettre ce film au programme quand bien même. Le film est avec Chris Pine, Aaron Taylor-Johnson, qu'on avait vu dans The Wall de Doug Liman, et encore une jeune actrice qui s'appelle Florence Pugh, qui avait joué dans The Young Lady de William Oldroyd et qui avait eu une très bonne presse. Lady Macbeth aussi, il était connu sous le titre Lady Macbeth. Donc ça se passe au XIVe siècle, peu après les événements vus dans le Braveheart de Mel Gibson, n'est-ce pas ? Et donc c'est le personnage de Chris Pine qui joue donc un oblion écossais qui s'appelle Robert Le Bruce. Robert de Bruce. Donc Robert de Bruce est mis à la tête de l'Écosse, marié à une nièce du roi d'Angleterre, puis se fait couronner roi indépendant et donc hors la loi aux yeux des Anglais. Il est donc contraint à se battre pour sauver son peuple de l'envahisseur anglais et rassemble une troupe de soldats hétéroclites pour faire la guerre au roi Édouard Ier, à son fils le prince de Galles et à toute leur armée. Manu va commencer sur ce film. Qu'as-tu pensé du film à propos de Robert de Bruce ? Ben, moi, c'est un peu comme avec le film de McQueen, hein, c'est ma cam à 200%. Après, des filles et des guns, tu me mets des mecs en épée, hein, dans la boue, c'est, je suis au 7e ciel. Je trouve que c'est un film qui a une grande puissance d'évocation, qui n'oublie jamais de faire du cinéma, avec un souffle épique, romanesque tout du long, avec une économie de moyens assez stupéfiante, à l'image du plan séquence qui ouvre le film, qui à aucun moment ne s'appuie sur une forme de virtuosité, mais souligne les différents enjeux qui se lient ou vont se délier entre les personnages. Comme dans le film de McQueen, je suis cueilli par ses premières minutes, je suis happé par le film. Je trouve la manière qu'a Mackenzie de capter tous les non-dits à travers les regards des personnages ou leur placement dans l'espace, notamment ce plan séquence qui se termine avec cet échange de regards entre le père et le fils. Voilà, je trouve derrière ce chapitre historique sur l'indépendance de l'Écosse, c'est aussi vraiment un film où tu retrouves tout le cinéma de Mackenzie, qui était déjà à l'œuvre dans Des Poings contre les Murs, dans Comancheria, cette histoire de filiation, de rapport au père ou au frère, cette idée d'émancipation qui est jouée vraiment à tous les niveaux, je trouve jusqu'au plus intime, celle de la relation amoureuse qui va se nouer entre Robert Le Bruce et sa femme, avec ce mariage arrangé, mais je trouve qu'il y a une vraie modernité dans l'approche dont il dépeint cette relation qui est naissante, sans jamais tourner le dos à une tradition que tu peux avoir dans les films de chevalerie de l'amour courtois, qui m'a fait penser par moments à ce très beau film de Jane Austen qui est Promenade avec l'amour et la mort. Ouais, je trouve que cette relation intime débouche sur une très belle scène de déclaration d'amour de la femme de Robert Le Bruce où elle se réclame comme son égal à lui, en lui déclarant son amour, où elle s'accommode en fait de ce mariage arrangé, mais parce qu'elle l'a choisi. Ce rapport de filiation d'émancipation, tu le retrouves aussi dans le rapport que Robert Le Bruce a à son père, mais aussi qu'a le prince Édouard du côté anglais avec le sien, avec notamment deux très belles scènes d'adieu. Tu vois dans ces deux scènes, tu vois la manière dont je trouve qu'a Mackenzie d'investir complètement un film, avec une justesse dans la peinture des sentiments, la direction d'acteur qui, je trouve, au cordeau. Je trouve que c'est aussi un film qui n'oublie jamais d'être spectaculaire, avec une violence qui est brutale, qui fait mal, qui impacte réellement, notamment avec cet affrontement final assez dantesque où il dépeint une brutalité, où tu es vraiment dans une logique complètement de chaos total, avec des cascades équestres juste de malade, quoi. Mais je trouve que c'est une des rares scènes de guerre dans un film où à un moment je me suis dit, mais les mecs vont ils vont pas tuer l'ennemi, ils vont juste s'entretuer. Il y a une telle logique de chaos à l'œuvre sur ce champ de bataille que voilà. Mais voilà, je vais laisser un peu de place à Mel Gibson de la critique. Me voilà, le bien nommé. Je vais dire beaucoup de choses que tu as dit, je crois. Je trouve que c'est vraiment un grand film épique et populaire et j'ai beaucoup aimé. Notamment déjà l'entrée dans le film, la fluidité de cette première séquence et tout ce qui a rapport avec ce mélange entre, comme tu l'as dit, l'intimité, l'histoire, le fond, la forme. Je trouve qu'il y a une super utilisation des plans séquences, mais aussi de la caméra à l'épaule, qui nous donne une immersion complète, qui nous plonge dans le film. Je trouve qu'on est vraiment très vite accroché. Et je trouve qu'il est très fort dans, j'allais dire, la dichotomie, en tout cas le rapport entre, pas la lourdeur, mais la dureté, ouais, peut-être la dureté du film et sa subtilité. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé aussi cette actrice et je trouve qu'il y a une très, très, très forte efficacité narrative avec très peu de choses, comment ils introduisent des personnages et notamment cette actrice. Elle a deux premières scènes, une où elle s'interpose avec un soldat et une où elle lui dit en gros, même si on s'est choisi, moi je te choisis et je reste, bon, sans spoiler. voilà, enfin, je trouve qu'avec très peu de choses, il raconte beaucoup. Il y a une scène que je trouve absolument magnifique, c'est cette scène d'embuscade dans l'eau. Et pareil, dans la manière dont elle est mise en scène, dans la manière dont il nous amène à ça, et le mouvement, la fuite de certains personnages, je trouve ça assez, assez, assez beau. Et comment il fait jaillir l'émotion, justement, pas du tout en allant la chercher, pas du tout en la soulignant. Et voilà, en gros, voilà, je note aussi la scène de fin, la boue, ça soigne vraiment. Et je trouve qu'il nous donne à voir cette boucherie, cette horreur, l'infâme. Comment il construit les choses avec comment il place ces éléments dans une première partie pour que la deuxième partie soit complètement dans l'action. Je trouve ça assez remarquable. Et je vais finir en disant ça, c'est que je trouve que c'est vraiment un film qui laisse place au mouvement, à l'action, et qui se traduit vraiment en mouvement et en action, et non pas en verbe, en mots. C'est très bien, très très bien. Encore une fois, je suis assez d'accord avec vous dans l'ensemble. Je vais revenir sur deux, trois trucs. J'ai peut-être l'un ou l'autre petit bémol à soulever. Je trouve en effet que c'est ce que vous venez de dire, cette volonté ultra réaliste, voire presque naturaliste à certains moments. La bataille finale en effet hallucinante de réalisme et de cruauté. Je peux dire que j'ai rarement vu ça au cinéma, même si je ne l'ai pas vu au cinéma. Mackenzie adapte son style au récit qui lui est donné. Il a un peu toujours fait ça, je trouve qu'il fait ça fort bien ici. Il y a aussi un rapport intéressant à la violence, qui est indissociable de toute révolution, en tout cas ce que semble vouloir dire Mackenzie de manière plus ou moins régulière. Il parle aussi de l'oppression du pouvoir sur les petits, qui est un peu un thème récurrent, que ce soit déjà dans Les Poings contre les murs ou dans Comancheria, à travers donc la violence physique, quoi, corporelle, et les conséquences que ça peut avoir sur l'intériorité de ces personnages. C'est un truc qui a l'air de le passionner, je trouve que ça se voit à l'écran. Maintenant, c'est cette idée que je trouve très belle à certains instants, et par exemple dans le premier plan séquence du film, moi il me faut les 5 minutes du plan séquence jusqu'aux derniers instants de ce plan séquence que je trouve vraiment très belle pour rentrer dedans. Parce que jusque-là, et à certains moments ça revient dans le film, cette espèce de proximité me pousse un peu à voir la mise en place, à voir le décor, à voir le mouvement de caméra, à voir comment ils ont dû... Et bon, voilà, ça c'est un dommage collatéral, je veux dire, mais... Justement, il a une façon de concevoir ces scènes qui sont en plan séquence, où t'es pas dans un côté opératique à la De Palma, où tu as vraiment une forme qui s'impose et que j'adore chez De Palma. Je sais pas du tout, on va pas prendre De Palma pour dénigrer du De Palma là, mais c'est juste que il y a pas une notion opératique. Je trouve qu'il y a un côté très pas lofi, mais de ce type de plan séquence, mais à la fois il est d'une justesse, il est toujours au bon endroit dans les rapports de pouvoir entre les personnages, les regards qui s'échangent, etc., comment il te construit en fait tout ce qui va se déployer dans le film. de manière, en fait, t'as beau passer par du verbe entre les personnages, en fait, tout est dit dans l'entre-deux, dans les déplacements de caméra, dans les mouvements des personnages, tout ce texte est là. Là-dessus, je suis d'accord. Chez De Palma, il y a un côté peut-être plus... peut-être justement le côté encore plus opératique, enfin plus opératique qu'il y a chez De Palma, ne me dérange pas. Enfin, je ne dis pas qu'ici ça me dérange, enfin si, ça me dérange dans le sens où... Mais je pense que c'est plus lié simplement au fait que tout ça soit en costume, soit en décor, et que ces mouvements de caméra dans cet univers-là sont plus visibles pour moi. Ça va de corps avec toute la direction artistique. Je trouve que ça appuie vraiment cet ancrage assez réaliste du récit, où il ne se repose pas dessus, mais qui l'ancre vachement plus. Pour avoir revu, par exemple, un film que j'aime beaucoup comme Brevert, je trouve que Brevert souffre par moments d'une direction artistique qui n'est pas toujours tenue tout du long, qui pose problème dans son ancrage. Là, pour le coup, j'ai vraiment un ancrage qui, tout du long, qui ne me fait jamais douter. Ça me réjouit de voir ce film-là. Le seul truc qui me déçoit, c'est de me dire que ce genre de film-là, tu le découvres sur un petit écran, sur Netflix, avec toutes les nuisances que peuvent produire ce type de visionnage. Quoi. Et ça, ouais, on peut vachement le regretter de ne pas avoir vu ce film sur grand écran. C'est quand même assez dommage. J'ai vu que c'était écrit par notamment David Arrower, qui est un brillant écrivain de théâtre, puisqu'il écrit sur le film, et ça m'a pas étonné, du coup, en l'ayant vu après au générique, par les qualités d'écriture du film, voilà, tout simplement. Très bien, merci messieurs. Donc, un film à rattraper pour moi qui ne regarde jamais de film à la maison, jamais. On arrive un peu après la guerre et on a épargné à Manu le fait d'aller voir Mektoub My Love, donc je vais quand même recommander le film d'Abdelatif Kechiche, donc qui s'appelle Mektoub My Love Canto Uno. J'ai été emporté par le film, voilà, je trouve que c'est pas le meilleur Kechiche, mais en tout cas c'est celui qui est le plus radical, le plus jusqu'au boutiste, celui où il oublie complètement toute mécanique scénaristique et qu'il étire, et justement l'intérêt en fait du film vient de son étirement. À la fin du film, j'avais l'impression de voir une espèce d'époque dorée, une espèce de paradis perdu, et je trouve que en fait ces personnages acquièrent une espèce de statut un peu divin. Je trouve que Ophélie, avec son très gros postérieur, est une sorte de déesse de la fertilité. Je trouve que c'est un film qui met dans une ambiance un peu d'Éden, comme ça. Ça faisait longtemps, du coup, mon conseil va être le même que celui d'Olivier. Ça faisait fort longtemps que je n'avais plus vu un film où le moindre personnage existe à ce point-là. Il y a des personnages qui ne tiennent sur rien, qui, au cours d'une quinzaine de secondes dans une scène, existent réellement, sont des vrais personnages j'allais dire de cinéma, mais sont juste des vrais personnages, ouais, qui tiennent la route. Je suis d'accord avec vous, évidemment. Je trouve que là, il poursuit totalement ses obsessions et qu'il est de plus en plus libre, débarrassé de ses contraintes scénaristiques. Je trouve que c'est je ne sais pas s'il y a besoin de le dire, mais un film d'une sensualité, d'une sexualité débordante, assez jouissive. Je trouve que c'est drôle, justement. Je trouve que dans ce qui rend au niveau des dialogues et au niveau de ce néant entre les gens, de ce vide qu'il y a entre les relations humaines en vacances, etc. Et je trouve que c'est assez sublime et c'est assez ridicule, et c'est pour ça que c'est sublime. Here comes Elastigirl, stretching her arms. Les Indestructibles 2, c'est donc la nouvelle production Disney et Pixar, toujours réalisée par Brad Bird, 14 ans après le premier volet. Brad Bird qui est de nouveau de service à l'écriture et à la réalisation après l'échec de Tomorrowland. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Donc on retrouve la famille Parr un peu après les événements du premier volet, alors qu'une loi interdit les actions des super-héros. Mais là, ils se retrouvent approchés par un businessman qui a fait fortune dans les télécoms et qui ressemble très très fort à Nicolas Sarkozy, et qui propose de faire d'Elastigirl, donc Madame Indestructible, une héroïne, et de la populariser via ses réseaux de médias. Donc Monsieur Indestructible se retrouve à la maison, à devoir veiller sur... ses trois enfants, dont sa fille en pleine crise d'adolescence et son petit bébé Jack-Jack qui se découvre des super pouvoirs. Alors Manu, qu'as-tu pensé de ce nouvel opus Pixar, Disney et surtout Brad Bird ? Il est un peu à l'image d'une séquence clé d'un film précédent de Brad Bird qui est Ratatouille, avec ce moment magique où le critique gastronomique est amené à déguster cette fameuse ratatouille. Au début, t'es un peu comme lui, t'es sur tes gardes avec ce deuxième opus que tu pouvais un peu craindre... que ce retour à l'animation était plus animé par des motivations financières que réellement une envie créative, surtout après l'échec non mérité d'un film comme Tomorrowland. Et ben, comme dans Ratatouille, dès la première bouchée, dès les premières minutes, tu oublies toute ton appréhension et tu te reconnectes directement avec toutes les émotions et le plaisir que peuvent te procurer le cinéma de super-héros, et notamment après 10 ans de Les Six Veuves, Marvel ou DC. Je trouve que c'est un film tout bonnement jouissif dans sa manière d'appréhender les scènes d'action, tout comme les scènes de comédie. On est vraiment dans une logique burlesque propre au cinéma de Brad Bird, d'une inventivité constante dans la manière d'explorer l'univers du premier film, dans la manière qu'a Brad Bird de bloquer chaque scène, de toujours faire rebondir l'action ou le dialogue avec un sens du timing ébouriffant. Que ce soit par exemple dans la course-poursuite en moto avec Elastic Girl et le train où constamment les pouvoirs d'Elastic Girl sont mis à rude épreuve. Le film est aussi jouissif, je trouve, dans la manière d'inverser toute la dynamique entre Monsieur Indestructible et Elastic Girl, avec cette facile à mise en avant d'Elastic Girl face à Monsieur Indestructible qui est réduit à faire les devoirs des enfants et s'occuper des langes du bébé. Ce qui, à la fois, je trouve, un super moteur de comédie, mais aussi ça sert complètement et pleinement dans la réflexion du film sur la figure du super-héros et son rapport au quotidien. En tout cas, on n'est pas du tout dans une carte du girl power, un peu de façade, très en l'air du temps à Hollywood, mais vraiment bien dans une logique de développement des personnages. C'est un film qui est jouissif dans le traitement de son nouveau vilain, l'hypnotiseur. Et sans trop spoiler, je trouve qu'il s'insère parfaitement dans cette logique de questionnement de la notion d'héroïsme. C'est pas innocent que Brad Bird fasse référence à Alan Moore et son Watchmen, notamment via le personnage du hibou. Le méchant, il est tout simplement jouissif parce qu'en tant que spectateur, on peut que souscrire en fait à ce qu'il dit et ce qu'il met en lumière. Je trouve que c'est un personnage qui fait à la fois des mauvaises choses pour des bonnes raisons et des bonnes choses pour des mauvaises raisons, même si on peut regretter que cette logique ne s'applique, à mon sens, qu'en partie au personnage de l'hypnotiseur, sans trop spoiler le film. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un pur plaisir de spectateur à l'état pur. Même si ce n'est pas au niveau d'un Terminator 2 ou d'un Mad Max, c'est assurément une de ces suites qui ont le bon goût d'égaler ou de surpasser leur premier opus. Et je pense, sans trop m'avancer, qu'on est face au meilleur blockbuster de cet été. C'est brillant ce que tu dis, Manu. Je suis d'accord, je suis assez d'accord dans l'ensemble. Le film, en effet, c'est super fun. Brad Bird n'a rien perdu de son génie formel, il y a deux idées par seconde. Mais j'ai deux petits bémols. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Pixar, c'est qu'ils arrivent toujours à m'émouvoir. Et comme le premier d'ailleurs, ni Les Indestructibles, le premier du nom, et celui-ci ne me touche. Je n'ai pas ce supplément d'émotion que j'ai souvent chez Pixar. Je trouve quand même que le film se plante un peu sur sa volonté de dynamiter les codes machistes du film de super-héros, mais qu'il les, voilà, tout à son honneur, mais qu'il les remplace par d'autres codes qui sont pour moi déjà obsolètes, d'une sorte de famille modèle hétéronormée avec deux parents, trois enfants. Et moi, quand je vois le truc, je sens déjà quelque chose d'obsolète. Bah, je reviendrai sur d'autres choses plus tard, mais tant qu'on est là-dessus, le film m'a paru vachement justement dans l'air du temps par sa thématique d'égalité de genre, ou en tout cas par sa thématique genrée en tout cas. Oui, ça c'est sûr, et c'est sa volonté première. Moi, ce que je vais chercher, c'est, un, c'est un sous-texte, enfin, c'est quelque chose, c'est un dommage collatéral, je veux dire. Mais c'est là où, enfin, moi, en tout cas, ce que j'ai vachement apprécié, c'est que on sent que Monsieur Indestructible est un peu jaloux du privilège qu'il fait à sa femme, mais au cours de son parcours et de ce qu'il va vivre, Monsieur Indestructible ne va jamais remettre en cause le fait que ce soit sa femme qui est mise en lumière. Il va jamais remettre en cause ses capacités. Ah ouais, mais c'est pas. Mais par contre, il a l'air de se rendre compte à quel point. En tant que homme au foyer, dirait-on, il a l'air de se rendre compte à quel point c'est difficile. Pour moi, c'est déjà, enfin, au moment où c'est montré à l'écran aujourd'hui, pour moi, c'est déjà obsolète. Ça participe, je pense, de cette logique d'un moment aussi d'éblouissement sur une certaine notion d'héroïsme, de ce qu'incarne ce type de personnage-là, et aussi ce que toi, dans ton quotidien, tu es capable d'achever. Je vais chercher la petite bête, c'est parce que j'en demande beaucoup. Ce que j'aime chez Pixar, c'est d'avoir cette dose de fun, cette émotion que je n'ai pas trop ici, mais aussi la possibilité de gratter, d'aller chercher plusieurs couches, plusieurs degrés de lecture. Ce qui est assez étonnant pour un film produit par Disney, c'est qu'on peut faire du mal aux animaux et que ça ne pose aucun problème. Par exemple, je pense à une scène avec un raton laveur qui s'en prend plein la gueule. Qui est très drôle, d'ailleurs. Ensuite, Lucien, tu peux reprocher que... Enfin, tu dis en tout cas qu'il n'y a pas assez d'émotion, mais je pense que tu parles d'une émotion, on va dire, un peu... lacrymale, hein, qui fait monter la larme à l'œil. Mais par contre, au niveau de l'émotion purement ludique du film, là, Brad Bird atteint des niveaux stratosphériques. Le film est rythmé d'une manière, autant les scènes drôles, burlesques, que les scènes d'action. Enfin, en effet, la poursuite en moto sur les toits, elle est incroyable. Il y a tout le temps des idées visuelles, le combat avec l'hypnotiseur, qui est filmé de manière un peu stroboscopique, comme ça. Puis le découpage, la lumière du film est absolument incroyable. Enfin, de nouveau, Pixar a fait des progrès techniques. Ils sont à 15 coudées au-dessus de tout le monde. Enfin, juste la manière dont la lumière, c'est souvent une lumière un peu rasante, va taper sur éclairer les fringues des gens et leur donner une texture. Voilà, tout le film baigne dans une atmosphère hyper chaleureuse. Enfin voilà, en effet, je te rejoins, Manu, je trouve que c'est un blockbuster absolument idéal et j'espère vraiment que ce sera une des plus grosses recettes de cet été. Sur cette musique légendaire, nous allons maintenant parler du nouveau film de Wes Anderson qui, cette fois, après Fantastic Mr. Fox, revient à l'animation en stop motion, image par image. Wes Anderson, bon, donc, c'est le réalisateur de Moonrise Kingdom, de Grand Budapest Hotel ou de The Royal Tenenbaums. Ça se passe dans un futur proche et ça se passe au Japon. Et donc, un méchant maire d'une ville fictive décide d'extrader tous les chiens de la ville. Sur une île décharge qui se trouve à quelques kilomètres au large des côtes de sa ville. Et un jour débarque le petit Atari qui est à la recherche de Spots, son chien qui a été débarqué sur l'île. Donc notre Kikuchiyo à nous va commencer sur le film. Lucien, qu'as-tu pensé du nouveau film de Wes Anderson ? Moi je me demande si... Si je préfère pas la féerie, le côté allumé de Wes Anderson en animation qu'en prise de vue réelle. Je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne très bien dans sa manière d'appréhender l'animation, quoi, peut-être de manière plus réaliste qu'il n'appréhende des acteurs qu'il va filmer réellement. Donc dans l'ensemble, moi, j'ai même franchement aimé le film. D'abord, esthétiquement et techniquement très réussi, très régulièrement, ça peut avoir tendance à sortir même un peu du film, à donner un peu de recul, mais je me suis plusieurs fois demandé comment est-ce que techniquement ils ont fait ça. J'aime le travail sur les différentes matières, des marionnettes et il a repris un truc qui m'avait déjà marqué dans le Fantastic Mr. Fox. À chaque fois que des personnages se bagarrent, ça me fait une sorte de pelote de laine comme ça, qui je trouve ça assez fascinant. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai beaucoup aimé le film et je préfère en effet. Enfin, j'ai pas vu Fantastic Mr. Fox. Jusqu'alors, j'avais pas vu tous les films de Wes Anderson, mais tous les films de Wes Anderson me laissaient émotionnellement froid et admiratif devant la forme. Et cette fois-ci, je continue d'être admiratif devant la forme, mais bizarrement, émotionnellement, je suis beaucoup plus impliqué. Je trouve qu'il y a une résistance. En fait, il y a une résistance entre son univers et les personnages qu'il filme en prise de vue réelle, puisque l'univers est très factice, hein, c'est toujours la même chose, les aplats, le côté symétrique, le côté un peu comme on le dit, un maison de poupée, ce côté un peu justement bonbon. Justement, maison de poupée fonctionne mieux quand il a des marionnettes en face de lui, quoi. Et moi, je trouve qu'avec les personnages principaux, ça crée une différence de niveau de lecture qui, moi, m'empêche en tout cas de rentrer dans ces films. Et je trouvais aussi qu'il y avait des problèmes scénaristiques dans ces films qui font que je m'ennuie au bout d'un moment. Ouais. Mais là, Wes Anderson, ce qui l'intéresse, c'est les relations entre les gens. Ce qu'il travaille ici dans L'île aux chiens, c'est, en tout cas, son pic émotionnel, c'est vraiment l'attachement entre un petit garçon et son chien, et c'est un truc qu'il va retravailler tout au long du film. Et c'est là où se joue, c'est ça qui intéresse Anderson, en fait, au final, au niveau émotionnel. Et moi, je trouve que dans ce film-là, déjà, esthétiquement, je le trouve très beau. Oui, et puis, j'adore le fait que tous ces chiens soient tout pourris comme ça. Ils sont tous abîmés. Il y en a un qui a même la moitié de la gueule cramée, où il n'a plus de poils. C'est des vrais bâtards comme on les aime, quoi. Et c'est vrai, c'est ça. Et alors, par contre, il y a une scène où donc Bryan Cranston, le personnage de Chief, qui a une voix géniale, il vient de se bagarrer, il est tout niqué, et il rencontre Nutmeg, qui est interprété par Scarlett Johansson. Et cette scène est d'une simplicité et d'une justesse au niveau de l'animation et des dialogues. Et c'est vraiment super beau, la manière dont il tombe amoureux, la manière sur quoi ça se joue. C'est genre, il lui dit un truc hyper maladroit, il paraît que t'as été avec tel chien, puis elle lui dit, mais enfin, pourquoi tu me dis ça? Oui, mais tu sais ce qu'on raconte, etc. Et alors que lui, il est subjugué par la rencontre qu'il fait, et puis il l'imagine en train de faire des tours, etc. Cette scène de rencontre est si belle. Écoutez, à la limite, j'ai pensé aux scènes de rencontre entre Neil McCauley et Edie dans Heat à ce moment-là. Moi je trouve la scène magnifique aussi. Et un truc qui me frappe, pour revenir sur ce qu'on disait, ce que tu formules beaucoup mieux que moi, parce que j'essayais de formuler en début d'intervention. Je trouve, même au-delà de son approche, de l'approche qu'il a de l'animation, je trouve les acteurs chez Wes Anderson sont meilleurs quand on les voit pas. Enfin voilà, en l'occurrence, je trouve Bryan Cranston, je trouve juste, avec sa voix, il est génial. Et d'abord, il a une voix magnifique, mais il joue, enfin, il fait passer vraiment plein d'émotions, plein de doutes, plein de trucs, juste avec cette voix et cette gueule de sac à puce dégueulasse. Manu. Non, mais je suis d'accord relativement avec tout ce que vous avez dit. C'est vrai que je pense, moi je suis pas aussi énormément client du cinéma de Wes Anderson, j'y reconnais énormément de qualité, mais c'est vrai que j'ai vraiment cette mise à distance qui opère énormément, de fait de sa mise en scène très millimétrée, mais qui aussi très dandy, étouffe un petit peu, à mon sens, toutes les émotions de ce personnage coincé dans des vêtements trop serrés pour eux, dans des cadres trop serrés pour eux un petit peu. Et pour le coup, c'était déjà le cas dans Fantastic Mr. Fox, et ça l'est encore plus dans celui-là, où il s'affranchit en plus du cadre film pour enfants qu'avait cette adaptation orientale. Et ici, le film est très cruel. Ah, il est visible par des enfants quand même. Hein. Il est cruel, mais c'est pas... Oui, c'est pas... mais je veux dire, le public cible est clairement pas le public de Fantastic Mr. Fox, qui était vraiment un public ciblé enfant. Après, moi, je trouve là où ici, où il est très fort, et ce qui fait qu'effectivement, l'émotion affleure beaucoup plus dans ce film d'animation en stop motion, c'est qu'il utilise aussi tous les moyens qu'il a de metteur en scène de cinéma live, donc en termes de travelling, tous les moyens qu'il utilise, etc., pour rendre réaliste tout ce monde-là, malgré les effets, malgré ce côté quelquefois un petit peu à l'ancienne de certains effets en stop motion, ça donne un surplus ça dramatise encore plus certaines séquences, certaines émotions, et ça marche vachement bien dans certains échanges entre le gamin et le chien joué par Cranston. Voilà, C'est voilà, c'est, j'ai pas grand chose à dire de film parce que ça reste, c'est pas un film qui m'a transporté au-delà de ça, c'est pas tout d'un coup la révélation, mais je trouve en tout cas c'est là où son style, à mon sens, c'est pas une ouïe de plus, et j'espère qu'il va explorer plus longuement ce type de cinéma là parce que je pense que c'est là qu'il a le plus à y gagner. Je suis d'accord, et je trouve même, enfin, je trouve que je préfère ses films plus récents à ses films plus anciens. Mais à chaque fois, il me manque un truc. Et là, c'est peut-être le premier où, même si c'est pas, je suis pas grandement ému par le film, c'est peut-être le premier où je me dis, bon, le film est techniquement et visuellement, j'ai rien à reprocher. Vraiment. Et moi, en plus, rythmiquement, j'ai moins à reprocher qu'avant. Ouais. Mais en plus, je trouve qu'il y a que ses précédents films aussi. Hein. Il est dans un format beaucoup plus court, beaucoup plus resserré. Je pense qu'il doit faire 1h30, là où ses films précédents faisaient dans les 2h. Hein. Après le film, enfin, je sais pas si c'est complètement intentionnel, mais il a aussi assez, il résonne quand même assez fort avec l'actualité. Voilà, on peut faire plein de lectures de voilà, ces populations qui sont stigmatisées, mises au banc de la société, livrées à elles-mêmes, à pourrir comme ces chiens sont tout pourris. Ah non, mais il y a une lecture qui est pas hyper profonde, mais qui tient la route, qui est presque politique. Il y a une lecture antispéciste qu'on peut avoir, hein, parce que ne serait-ce que dans les premiers panneaux qu'on a où ils jouent le jeu en disant tous les dialogues chiens ont été traduits, le reste on s'en fout, en gros c'est plus ou moins ça qui dit. C'est aussi une manière de poser la problématique antispéciste comme ça dès le premier panneau, et puis il la travaille pas, je veux dire, il en fait pas un sujet complet pour son film, mais c'est quelque chose qu'il pose là et qui moi m'a travaillé un peu tout le long du film. Ja, de volgende alsjeblieft. Een chance. Drie, vier, vijf, zes, zeven... De klassieke techniek moet natuurlijk verder geperfectioneerd worden, maar voldoet. Tout se passe bien. Dernièrement, j'ai vu un film qui m'apporte en fait le meilleur de ce que j'espère quand j'entre dans une salle de cinoche. C'est étonnant parce qu'il s'agit d'un film belge, donc c'est le film Girl de Lucas Dont qui a obtenu la Caméra d'Or au dernier Festival de Cannes. Et donc c'est un premier film, c'est l'histoire de Lara qui est incarnée par Victor Polster, qui veut devenir une danseuse ballerine et qui en même temps veut devenir physiquement une fille parce qu'elle commence un traitement hormonal et que, comme la formule éculée le dit, elle est née dans un corps de garçon. C'est un film magnifique. C'est un film qui est jamais là où on l'attend. C'est un film qui est éminemment sensoriel, éminemment physique. Enfin voilà, on est très très proche du corps. C'est un film qui va toucher le cœur, le ventre, qui s'adresse jamais au cerveau, qui est une expérience physique. Le travail sur le son, notamment dans les scènes de danse, est absolument remarquable. On l'a dit, ça a été dit beaucoup de fois, mais le travail d'interprétation est également remarquable. Il y a notamment le personnage du père qui est incarné par Arié Wuorthalter, qui a une relation magnifique avec sa fille, qui m'a tiré des larmes aux yeux à plusieurs reprises. Ce qu'il y a de plus beau dans le film, c'est qu'un peu à l'instar de Call Me By Your Name plutôt cette année, c'est un film dans lequel le côté transgenre ou le côté sexuel, changement de sexe, n'est absolument pas traité comme un problème. En fait, c'est pas du tout un problème pour aucun des personnages du film. C'est uniquement le problème de la métamorphose que va subir Lara et comment elle va traverser cette épreuve-là. Et c'est ça qui fait qu'en fait le film touche à l'universel, parce que chacun peut y voir, peut relire, revoir des choses de sa propre puberté. En fait, ça peut parler de la métamorphose de n'importe quel corps, en fait. Et c'est ça qui est éminemment touchant. Après, le film ne refuse pas ce côté transgenre, puisqu'il est traversé comme ça d'éclats d'incompréhension et qui sont très très fort et traité toujours avec une pudeur, une juste distance par Lucas Dont, notamment le truc qu'on sait qui va arriver, qui a trait au harcèlement scolaire, c'est traité vraiment avec la juste pudeur. C'est vraiment un film fabuleux que je vous... Enfin, fabuleux. Non, j'ai des problèmes avec la résolution du film. Voilà, jusqu'aux dernières 10 minutes, je trouve que la résolution est un peu expédiée et pas très satisfaisante. Mais franchement, pour l'expérience que ce film et l'émotion qui est véhiculée par ce film, ça vaut vraiment le détour. Et pour moi, c'est un des plus beaux films de l'année. My name's Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid. My mom too. And I ended up here. Sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. A whole virtual universe. People come to the Oasis for all the things they can do. But they stay because of all the things they can be. Can you feel this? Eh bien, on arrive maintenant au gros morceau de la soirée, donc le Ready Player One, le nouveau film de Steven Spielberg, 2 mois après son précédent The Post. Donc, Ready Player One, c'est avec Ty Sheridan dans le rôle principal de Wade Watts. Wade Watts, dans un futur proche, 2040 aidé, du coup, on n'a pas vérifié. 2045, vit dans une ville surpeuplée, une cité US surpeuplée en Ohio, je crois. Et tous ses concitoyens passent la plupart de leur temps dans une espèce d'univers parallèle virtuel qui s'appelle l'Oasis, dans lequel on peut incarner un peu qui on veut, ce qu'on veut, et qui fonctionne globalement sur les règles du jeu vidéo. Donc on peut gagner du crédit, on peut gagner des artefacts, il y a des énigmes, des courses, ce genre de choses. Et le créateur de cette Oasis est mort au tout début du récit et il a laissé un easter egg, donc une espèce de surprise. Et il faut acquérir 3 clés pour pouvoir accéder à cet easter egg. Et celui qui accédera à l'easter egg deviendra à son tour propriétaire de l'Oasis. Bien sûr, il y a des grands méchants qui s'appellent IOI, qui sont menés par Ben Mendelsohn, qui essaye de mettre la main sur cet easter egg. Dans le film, il y a également Olivia Cooke, Mark Rylance et Simon Pegg. Donc on va commencer tout de suite avec Manu, puisque Manu a publié un article dans le Passeur Critique sur le film. Manu, qu'as-tu pensé du film de ce cher tonton Steven ? Ce qui est passionnant, c'est que derrière le bouquin d'Ernest Cline, c'est comment à partir de ce qui aurait pu être une sorte d'empilement assez indigeste de licences, de films, de plein de références, comment il arrive à construire un film qui se tient, qui raconte quelque chose à la fois sur son parcours de cinéaste, sur l'état de l'industrie actuellement, comment arriver à faire un pur film d'auteur au sein d'un blockbuster aussi pété de thunes. C'est assez ahurissant ce qu'il arrive à faire, de ce qu'il dit sur la nécessité de chérir cet imaginaire, mais aussi quel prix il a, toutes les questions qui sont liées à l'identité qui tournent autour du créateur de l'Oasis, mais qui se répercutent aussi chez les personnages. Il y a une des phrases, je crois, qui est citée au tout début du film, qui est « Les gens vont à l'Oasis pour dans la volonté de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, ils y restent, pas pour ce qu'ils peuvent y faire, mais pour ce qu'ils peuvent y être. » Et voilà, il y a cette notion d'identité qui est vraiment chevillée au corps. Voilà, je trouve que quand on voit aujourd'hui comment sont exploitées à gogo les licences, ce côté nostalgique assez mortifère qu'il y a dans l'industrie, ce que dit Spielberg sur le rapport entre la réalité et l'imaginaire, comment ces deux choses se nourrissent l'un de l'autre, c'est l'envers d'une même pièce. Je trouve le film est juste, pour moi, assez brillant. C'est après un film tellement dense qu'il est assez difficile de l'appréhender complètement en une seule vision. Très bien, donc j'enchaîne, puis après tu vas rebondir, hein, de toute façon. C'est clair que c'est un film passionnant, déjà c'est un film haletant, où tu sors jamais, c'est un vrai plaisir de spectateur, chaque énigme est super jouissive, super bien mise en scène. On est vraiment dans l'action, on suit toute l'action, même si c'est hyper compliqué à certains moments. Il y a énormément de choses qui sont mises en scène au niveau des personnages et des possibilités, des espaces et tout. C'est quelque chose de très, très impressionnant, en tout cas purement au niveau de la mise en scène. Et en plus, ce qu'il y a, c'est qu'on sent une jouissance, enfin, on sent qu'il s'amuse à créer ce monde virtuel. Il y a des pures idées extrêmement belles, moi, je trouve. Enfin, la boîte de nuit, la manière dont les gens dansent dans la boîte de nuit, je trouve ça magnifique. Après, il y a une scène aussi dans la salle de bal d'un hôtel assez fameux qui reprend ce motif-là et qui est aussi magnifique. Je trouve ça très beau aussi la manière dont il gère le rapport entre réalité et virtuel, tant au niveau du temps du film qu'au niveau des interactions qu'il y a entre le réel et le virtuel. Au fur et à mesure du film, en fait, on est de plus en plus quelque part dans la réalité et il y a de plus en plus de connexions entre les deux. Et c'est aussi ce que raconte le film, enfin en tout cas la nécessité de garder quand même prise dans la réalité, de pas complètement s'abandonner à l'imagination ou au virtuel. Et ce qui est très beau, c'est qu'il arrive tellement bien à le faire qu'à la fin même, dans une scène, on va dire, de climax, il entremêle une scène qui se passe dans le monde virtuel et une scène qui se passe dans le monde réel, qui sont sur des rythmes complètement différents. Enfin, une scène hyper intimiste qui se passe dans une chambre de gamin et une scène de course-poursuite, en gros, pour faire bref. Et c'est brillant, quoi. Mais ça, le film raconte quand même, enfin, parle de la nécessité d'avoir l'un et l'autre et que les deux se mêlent au sein d'une vie et que c'est impossible autrement. Et c'est sûr que du coup ça parle à nos petits cœurs de geeks, quoi. Oui, après bon, on peut se poser de la question de l'empilement de références. En tout cas, contrairement à toute la vague doudou dont on a déjà parlé dans cette émission, ce qui se passe ici, c'est que c'est complètement justifié parce que la pop culture est déjà un sujet même du film, puisque le film se passe à 50%, on va dire, dans l'imaginaire de quelqu'un qui est déjà gavé, nourri de pop culture. Donc, quelque part, ça a un sens. Après, c'est vrai qu'il y a énormément, énormément, énormément de références. On n'est pas du tout obligé d'avoir ces références pour pouvoir apprécier le film, même si, on va dire que sur la deuxième énigme, c'est quand même bien d'avoir la référence. Mais là, pour la deuxième énigme, sans spoiler, parce que c'est un des gros ajouts par rapport au bouquin en termes de narration, l'énigme, elle n'est pas juste dans le film qu'ils vont investir, mais aussi la résonance que ce film-là a par rapport à la carrière de Spielberg. Sa reconnaissance en tant qu'auteur, c'est là où c'est impressionnant, c'est comment il arrive à lier des trucs très intimes sur sa manière d'appréhender la création. C'est sûr et certain, et c'est pas pour rien que Spielberg fasse ce film-là, lui qui est probablement le cinéaste le plus connu du monde avec Quentin Tarantino aujourd'hui. Et oui, évidemment, dans le personnage de Rylance, dont j'ai oublié le nom dans le film. Hallyday. Et oui, du coup, c'est quand même juste un artiste qui a créé une fiction dans laquelle le monde entier se retrouve, et qui d'autre que Spielberg pour raconter cette histoire-là, quoi. Après, si je dois passer plutôt au point que je trouve négatif, en tout cas après une première vision, le personnage principal, je le trouve pas très intéressant. Je le trouve un peu fade. Je trouve par exemple le personnage de la jeune fille, donc Artemis, beaucoup plus intéressant. Et encore, je trouve que leur romance est pas suffisamment poussée et fouillée pour que ce soit vraiment touchant. Et d'ailleurs, il y a un moment où le film, quelque part, confesse ça, parce que toujours sur cette deuxième énigme, à un moment, on perd le personnage principal pour aller sur un personnage secondaire dans une scène qui est assez clé. Et c'est bizarre parce qu'on se dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on va sur ce personnage-là? Parce que dramatiquement, c'est étrange de switcher de point de vue à ce moment-là. Après, c'est chouette parce que le personnage justement qu'on suit à ce moment-là, il est nourri parce que justement, il a une faille, une peur. Et donc, c'est très intéressant. Mais quelque part, ça dit quelque chose. Ça dit que notre héros, bah, finalement, il est... Moi, je trouve qu'il est un peu pas très intéressant, c'est, au final. C'est l'archétype du loser qui va grandir et qui va faire quelque chose de grand, comme on l'a dans énormément de films. C'est pas un loser. C'est pas un loser, mais bon, c'est pas un mec qui a une vie très, très rock'n'roll en tant que tel, justement. C'est pour ça qu'il se rend dans l'Oasis aussi. Qui a un flippé pas possible, et c'est ça aussi qui le différencie d'Artemis, qui est plutôt badass comme personnage, et c'est pour ça que le personnage d'Artemis est plus funky, on est plus intéressé par celui-là. Après, je pense que cet aspect-là que tu vois comme un défaut sur les personnages, t'as effectivement, je pense, un petit déficit d'émotion par rapport à certains films de Spielberg qu'on connaît, même par exemple l'émotion que tu peux avoir très récemment dans The Pentagon Papers. Mais je pense aussi que c'est le revers d'un film aussi très méta. Mais pour rebondir sur autre chose, moi, tu parlais de la première séquence dans la boîte de nuit. Et je trouve que là où il y a un truc très brillant dans la manière dont Spielberg va justement entremêler ce qui se passe dans l'Oasis et dans le monde réel, tout début du film, il procède plutôt par séquence, une séquence qui se passe dans le monde tout réel. Tout au début du film, il y a quand même 45 minutes qui se sont passées. Oui, non, mais je veux dire, pardon, ce qui s'est passé auparavant est majoritairement des séquences qui se passent intégralement dans le monde réel ou qui se passent intégralement dans l'Oasis. Et cette séquence-là, elle débute par un truc pour moi qui est très révélateur. Il va faire un sorte de raccord mouvement entre le moment où le personnage arrive dans la boîte de nuit et en fait n'est pas très à l'aise et donc remet sa cravate ou sa chemise. Et là, il fait un raccord entre au même moment où il est en train de se tenir dans le monde réel et au même moment dans l'Oasis. Et ce jeu, entre guillemets, où par l'image et par la mise en scène, Spielberg te montre à la fois le malaise un petit peu de Watts vis-à-vis d'Artemis qu'il va aborder et comment en fait aussi il y est question de tout ce qui drive le film, c'est cette notion d'identité qui est hyper importante et qui est mise en jeu dans cette séquence-là et comment en fait par juste un cut et après comment il va le développer dans toute la séquence, Spielberg te l'amène de manière évidente. C'est vrai, c'est un film qu'il faut voir plusieurs fois et qui donne envie d'être vu plusieurs fois, tellement il déborde de choses. Mais c'est le genre de film, moi j'ai l'impression que je pourrais pas le voir sur petit écran parce qu'il y a trop d'infos. Ouais, il y a trop d'infos dans chaque cadre, ça va être compliqué. Enfin, dire le voir autrement que sur grand écran, les grandes scènes, genre la poursuite en voiture du début ou l'espèce d'assaut de la troisième partie du film, j'ai l'impression que je vais perdre énormément. Donc, du faut coup, mettre sur pause alors. Ça pose et se rapprocher de l'écran. Non, mais je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui vont passer à côté du film à cause de ça. Parce qu'on peut avoir cette espèce d'impression de regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo qui est vraiment super bien foutu, super bien écrit, etc. Mais quand même, de regarder quelqu'un qui joue à un jeu vidéo sans avoir la manette en main. Et donc moi, je trouve pas. Je trouve qu'il y a des pures idées esthétiques dans le monde virtuel et dans l'Oasis. On a déjà cité la boîte de nuit, mais quand il gagne la première course, cette fanfare qui joue sans êtres humains, juste les instruments, etc. Moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'idées purement visuelles qui font que c'est beaucoup plus qu'une cinématique de jeu vidéo. Et après, je pense sur la réception, à voir ce que sera la réception de Ready Player One, mais après, c'est aussi un film qui est pas forcément, même s'il y a c'est pas un pamphlet à ce que pourrait faire un Verhoeven ou je ne sais quoi, mais il n'est pas forcément tendre aussi avec ce qu'est devenu justement cette industrie du cinéma, du blockbuster, et puis aussi ce que sont devenus aussi une partie de certaines des fanboys, etc. Puisqu'il montre quand même des mecs qui bossent pour cette entreprise qui pourrait être assimilée à, je sais pas, à ce que fait Marvel, à ce que fait Disney en bouffant des licences et en te faisant croire mec, on est geek comme toi, on aime la même culture, mais en fait, c'est juste pour te piquer ton pognon et c'est tout, et te vendre des produits, ce qui est le personnage de Mendelsohn. Alors, il est caricatural, mais il incarne ça, et il incarne quelque chose qui existe foncièrement actuellement. Et donc, voilà, je ne sais pas à quel point il n'y aura pas aussi peut-être un phénomène de, à la fois, soit de compréhension, soit de rejet, vis-à-vis de la merde que les gens bouffent, et légitime, et ça serait intéressant de voir ce que seront les chiffres d'un film comme le prochain Marvel, et de Ready Player One, parce que pour le coup, en termes de spectaculaire, mais qu'est-ce que ça les enfonce ? Quand tu te souviens de la dernière grosse partouze Marvel, Civil War, avec cette séquence qui était censée être la séquence ultra spectaculaire où tu les voyais tous se fighter sur un pauvre aéroport tout dégueulasse, et ce que te met dans la gueule, Spielberg, tu fais. Mais en termes de clarté aussi, d'intérêt, je veux dire, les mystères, les deux premières énigmes et les manières dont elles sont résolues dans le film, c'est purement jouissif, hein. c'est des trucs que tu vois jamais dans des Marvel aujourd'hui, au niveau de son récit, de la conduite du récit et de comment les indices qu'il te donne et de où est-ce que t'es, d'ironie dramatique, enfin c'est génial quoi, c'est juste, il est 15 coudées au-dessus de tous les autres. Auditrices, auditeurs, merci à vous d'être parvenus au bout de cette longue écoute. Et on vous donne rendez-vous dans quelques jours pour notre transmission numéro 26, où nous parlerons entre autres des nouveaux films de Mike Lee, de Yorgos Lanthimos, de M. Night Shyamalan et de Clint Eastwood, mais aussi du très attendu Border, le film suédois d'Ali Abbasi. Donc à très vite, merci encore et à bientôt.